Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un criminel qui a marqué la première partie du XXe siècle, Eugène Weidmann. En 1937, ce jeune Allemand est arrêté en France et passe rapidement aux aveux. Il a commis 6 meurtres en l'espace de 6 mois. Surnommé par l'écrivaine Colette, le tueur au regard de velours, il fascine les lecteurs de la presse qui se demandent tous, mais enfin pourquoi? Pourquoi ce jeune homme de 29 ans, issu d'une famille bourgeoise, s'est-il lancé dans cette dérive criminelle? Est-il un envoyé des nazis? Un dangereux psychopathe? Toutes les théories circulent, mais la vérité est bien plus tristement banale. Weidmann n'a en réalité qu'un seul mobile, l'argent. Si Landru avait attiré l'attention des Français au lendemain de la Première Guerre mondiale, Weidmann, lui, mobilise l'opinion publique juste avant le début de la Seconde, notamment parce qu'il est allemand. Jugé 15 mois après son arrestation, il est condamné à mort et guillotiné le 17 juin 1939 à Versailles. Des photographes parviennent à prendre des clichés de l'exécution et ces images, choc, font le tour du monde. Face à la polémique déclenchée, le gouvernement d'Édouard Daladier publie un décret qui relègue la guillotine à l'intérieur des prisons. L'exécution d'Eugène Weidmann est donc la dernière exécution publique en France. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Taïeb, professeur des universités en sciences politiques à l'IEP de Lyon et auteur de La guillotine au secret, publié aux éditions Belin. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et RetroNews, le site des archives de la Bibliothèque nationale, RetroNews. Émission préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 1937, 15h. Une brume froide enveloppe les hauteurs de la Selle-Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne. Cet après-midi, deux inspecteurs de police se présentent devant une villa entourée d'un jardin couvert de neige. Ils recherchent un certain monsieur Carrère. Ils sont venus sans armes, ils ont juste quelques questions à lui poser sur le meurtre d'un agent immobilier de Saint-Cloud. Dans la cour de la villa, ils aperçoivent une Celta 4. C'est le même modèle de voiture que celle de Raymond Le Sobre, l'agent immobilier assassiné. La piste est bonne, il ne reste plus qu'à attendre. De ce Carrère, les policiers n'ont pas de photos et ils n'ont aucune idée de son apparence physique. Au bout d'un quart d'heure, un grand jeune homme athlétique s'approche de la grille de la villa. Les policiers se précipitent. « Vous êtes bien monsieur Carrère ?»« Oui, comme voulez-vous. » « Nous sommes employés des contributions, c'est juste pour une vérification. » Prudent, en effet, les deux inspecteurs se font passer pour des fonctionnaires des impôts. Alors Carrère leur dit « Pouvez-vous me montrer vos papiers ?» L'un des policiers n'a pas d'autre choix que de sortir sa carte et dit « Police ». Un problème, Carrère les mène alors dans la maison. Arrivé dans le vestibule, le jeune homme se retourne brusquement. La suite de cette scène est racontée par l'un des deux policiers dans la reconstitution du procès Weidmann pour l'émission « En votre âme et conscience » en octobre 1957. Il sort un revolver de sa poche et tire en disant « Mes papiers, les voilà !» Je vois poignant qui s'écroule, alors je saute sur Carrère, je le ceinture, pendant qu'il continue à tirer encore des balles qui vont ricocher sur le mur. Nous luttons comme ça peut-être pendant une minute ou deux. Quand soudain, en un éclair, j'aperçois un petit marteau de tapissier qui était posé là sur un guéridon dans le vestibule. Alors, toujours en luttant avec Carrère, je me suis approché insensiblement du guéridon, et quand le marteau a été à la portée de ma main, je m'en suis emparé, j'en ai porté plusieurs coups sur la tête de Carrère qui est tombé évanoui. Quant à Carrère, on soigne sa tête en l'enturbanant d'un bandage blanc avant de l'interroger. Carrère ne met pas beaucoup de temps à avouer le crime. Il raconte même aux inspecteurs comment il a procédé. Il est descendu devant moi, dans la cave, j'ai visé à bout portant, là, derrière l'oreille. Il est tombé, mort sur le coup, voilà. Pour un peu, il préciserait, c'est simple comme bonjour. L'interrogatoire se poursuit tard dans la nuit, et l'homme révèle sa vraie identité. Mon nom est Weidmann, Eugène Weidmann. À 3h du matin, à bout de force, souffrant d'un mal de tête violent, le jeune Allemand supplie le commissaire. « Demain, je vous le promets, je vous raconterai tout. Vous ne serez pas déçus. Mais lasst mich schlafen, laissez-moi dormir. Les policiers le laissent reposer. Ils sont très loin d'imaginer les confessions qu'Eugène Weidmann va leur livrer le lendemain. Le matin. 5 crimes commis en 5 mois, avoués en 5 heures. L'écho de Paris. Les crimes d'un monstre. L'Allemand Weidmann avoue avoir commis 5 assassinats. L'humanité. Le vampire de la selle Saint-Cloud. Weidmann avoue 5 crimes, mais n'en a-t-il pas commis d'autres ? L'Ouest éclair. Sensationnels aveux de l'assassin de Saint-Cloud. Décembre 1937, 2 jours après l'arrestation, Eugène Weidmann fait les gros titres de toute la presse française. Car le jeune Allemand n'a pas tué un homme, mais 5 personnes. Après sa première nuit en cellule, il relate de manière calme et polie sa lente dérive criminelle entamée dès l'adolescence. Il a 29 ans, il est né à Francfort. Sa famille, des bourgeois catholiques pratiquants. Côté politique, son père est adhérent au Parti National Socialiste. Cette précision fera naître de nombreuses théories sur le mobile des meurtres du jeune Allemand. Certains, en effet, présenteront plus tard Weidmann comme un agitateur nazi. Devant les policiers, il poursuit son récit. Depuis sa plus tendre enfance, il a des tendances kleptomanes. Il vole ses parents, il vole ses professeurs. Et son passage en maison de correction ne le calme pas. À sa majorité, direction le Canada. Cette fois, c'est son employeur qu'il détrousse. Condamné à 12 ans de prison, il revient en Allemagne une fois libéré. Et ça recommence. Il cambriole un appartement avec des complices, ligote le propriétaire et demande une rançon. Le projet échoue et Eugène Weidmann se retrouve une nouvelle fois derrière les barreaux. Pour 5 ans. Et c'est là. Oui, c'est là qu'il fait la connaissance de 2 Français incarcérés pour trafic de devises, Roger Mignon et Jean Blanc. Il sympathise avec eux. À sa sortie de prison, il parvient à franchir la frontière avec la France malgré une interdiction de sortie du territoire. Grâce à de faux papiers, il se rend à Paris, rejoint Mignon et Blanc et loue une villa à la selle Saint-Cloud. En ce printemps 1937, c'est l'ouverture de l'exposition universelle à Paris. Malgré le contexte géopolitique et économique difficile, de nombreux touristes venus du monde entier débarquent dans la capitale française pour visiter les différents pavillons. Dans celui de la Seconde République espagnole, on présente pour la première fois l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle, Guernica de Pablo Picasso. Pourtant, à l'époque, l'accueil du tableau est très mauvais. Les stars de l'expo, ce sont 2 pavillons énormes qui se font face. Celui du Troisième Reich, façonné par l'architecte Hitler, Albert Speer, surmonté d'un aigle serrant une croix gammée, et celui de l'URSS, imaginé par Boris Yofan, dominé, lui, par un couple musclé brandissant la faucille et le marteau. Voilà pour le décor. Eugène Weidmann, lui, compte bien profiter de l'afflux touristique pour monter ses petites combines. Il explique aux enquêteurs. Peu après mon installation dans la villa de la selle Saint-Cloud, j'obtins une place d'interprète à l'exposition. L'occasion était trop belle pour moi car j'avais ainsi tout un champ de riches étrangères à exploiter autour de moi. Mignon et son ami, qui furent mes complices, décidèrent de me prêter main forte à l'occasion. Nous avions en quelque sorte formé une association de kidnappeurs dont j'étais le chef. C'était moi seul qui agissais. C'est moi seul qui ai tué. Non, ce que j'ai fait est épouvantable. Je ne peux pas vous dire comme ça cette chose terrible. Je veux l'écrire. Donnez-moi un bout de papier. Intrigués, les policiers lui apportent un crayon et une feuille. Le jeune Allemand se met alors à écrire en lettres capitales « J'ai tué Jean de Goven ». C'est un choc pour les policiers, car Jean de Goven est une jeune danseuse américaine portée disparue depuis plusieurs mois. Eugène Weidmann, à qui l'on offre des cigarettes, raconte précisément et calmement son premier meurtre. C'est en juillet 37 qu'il fait la connaissance de Jean. La scène se déroule dans le hall de l'hôtel Ambassador, boulevard Haussmann. Quand Weidmann l'aborde, elle tombe sous le charme. Il est jeune, il est beau, il parle bien anglais, mais lui ne cherche qu'à la séquestrer pour demander une rançon. Alors il lui propose une visite de Paris. Elle est enchantée. Mais pour cela, il faut qu'elle se rende chez lui, à la selle Saint-Cloud, pour prendre la voiture. Bien, Jean de Goven accepte. Arrivée chez Weinmann, elle visite toutes les pièces de la villa en riant. Sur le divan, Eugène et Jean discutent en fumant des cigarettes pendant des heures. Le jeune Allemand profite de cette ambiance pour droguer la jeune femme qui s'endort assez rapidement. Mais Weinmann sombre lui aussi dans le sommeil. Et lorsqu'il se réveille, Jean de Coven veut fuir. Alors Weinmann, pris d'une pulsion ou d'un coup de panique, étrangle la jeune danseuse. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'elle est morte. Il dira plus tard, « Moi qui me trouvais presque mal quand quelqu'un se coupait le doigt ou se faisait une blessure sans importance, moi qui ne puis supporter la vue d'un cadavre d'animal sans en éprouver le plus grand dégoût, je me trouvais là, la nuit, dans une maison plus ou moins isolée, avec le cadavre d'une jeune fille que quelques minutes plus tôt j'avais assassinée. Eh bien tout cela me laissait parfaitement froid. Oui, froid, sans émotion. C'est comme ça que Weinmann est perçu. » L'historien Nicolas Picard l'explique au micro de France Culture. Il correspond quasiment parfaitement à la description que l'on a à cette époque de ce qu'on appelle les monstres froids, c'est-à-dire les monstres qui agissent uniquement par intérêt, par calcul, qui n'ont pas d'émotion, et que l'on oppose souvent aux monstres chauds qui, eux, agissent sous l'emprise de la passion. Après son premier crime, Weinmann s'étend alors sur le divan, allume une cigarette et réfléchit. Que faire ? Enterrer le cadavre, c'est la solution. Oui, alors il récupère d'abord les bijoux sur Jean de Coven, revêt un bleu de travail, creuse une fosse près de la villa et y dépose le corps. Weinmann poursuit ses confessions glaçantes avec toujours autant de flegme. Il a pris l'argent et les travelers tchèques de Jean de Coven. Il a très vite tout dépensé avec ses complices. Un peu plus d'un mois après le crime, il se présente comme un riche anglais à un chauffeur de grande remise, une sorte de taxi de luxe qu'on loue pour une ou plusieurs journées. Il convient d'un rendez-vous avec le chauffeur. « Je veux visiter le château de la Loire », lui dit-il. Eh bien, les voilà partis pour un long voyage. À hauteur de la Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, Eugène Weinmann propose au chauffeur Joseph Couffy d'aller faire la sieste dans un pré. Après tout, il fait grand soleil. Les deux hommes descendent de la voiture. Joseph Couffy se dirige vers le pré. Weinmann jette un œil autour de lui. Il n'y a personne. Alors il sort son arme, vise le chauffeur et lui tire une balle dans la nuque. Il récupère l'argent dans la veste du cadavre, butin 1400 francs. Il s'enfuit ensuite avec la voiture. À la question du juge, pourquoi avoir tué ce chauffeur en particulier ? Weinmann répond, ce n'était pas le chauffeur que j'avais choisi, c'était la voiture. Voilà, Weinmann est capable de tuer pour une voiture. Une voiture, de l'argent, chez ce jeune Allemand, tout est crapuleux. Et les confessions continuent. Eugène Weinmann a également tué un impresario. Et il raconte tout aux inspecteurs. C'est moi qui ai tué Leblon. Je m'étais mis en relation avec lui par le moyen d'une annonce dans les journaux. Nous avions convenu de monter une affaire ensemble. Il devait apporter 10 000 francs et moi une somme égale. Il m'a amené dans sa voiture chez moi, à la Selle Saint-Cloud. Je n'ai pu résister à la tentation. J'avais vu les billets dans son portefeuille. Au moment où il regardait un tableau, je lui ai tiré dans la nuque 2 balles de revolver. Il s'est affaissé sans pousser un cri. Je l'ai dépouillé de son portefeuille qui contenait 5000 francs, de son pardessus, de ses bretelles, de son stylo. Les bretelles que je porte, le stylo que j'avais sur moi au moment de mon arrestation sont à lui. Après le crime, j'ai roulé le cadavre dans une tenture que j'ai arrachée dans ma chambre à coucher. Je l'ai chargé dans la voiture qu'il avait amenée et l'ai conduit là où on l'a retrouvé. Le sobre, Coven, Couffy, Leblon, ça fait 4. Mais ce n'est pas fini. Weinmann confie avoir tué une 5e personne, Fritz Frommer. Mais cette fois, il pourrait y avoir un autre mobile. Fritz Frommer et Weinmann se sont connus lors de leur passage en prison en Allemagne. Alors, l'a-t-il tué parce qu'il en savait trop ? C'est une possibilité. Toutes les questions et les hypothèses s'étalent dans les journaux. Il faut dire que ces histoires de crimes sordides ont tout pour passionner les lecteurs avides de faits divers. À cela s'ajoute la nationalité du meurtrier. Allemand, ce qui, dans les années 30, confère une charge symbolique importante, au moins particulière, comme l'expliquait Manuel Taïeb, professeur de sciences politiques au micro de France Culture. Là, il y a une dimension, c'est le monstre, mais c'est aussi le monstre allemand. C'est aussi l'incarnation du côté revanchard des Allemands, de quelque chose qui est en train de se préparer. Et donc, ce nom-là le dessert, c'est-à-dire que c'est effectivement un criminel allemand et un criminel qui vient commettre des crimes en France. Donc, c'est un Allemand qui tue des Français. Et par moments, cette alchimie peut prendre et donner une belle affaire, entre guillemets, ou une belle couverture de presse, comme ça a été le cas pour Eugène Weidmann. La couverture médiatique en effet est exceptionnelle. Les Français découvrent alors à la une des journaux la tête d'un jeune homme au regard de velours, la tête enturbanée d'un bandage blanc. Pour un avocat, c'est du pain béni. Cette tête promise à la guillotine, cette tête est une tête à sauver. Quelle robe noire n'en rêverait pas ? Le bâtonnier Versailles, Robert Planty, chargé d'attribuer le dossier, se le réserve d'ailleurs pour lui-même. Mais il fait également appel à deux autres défenseurs, l'avocat Jean Raoult et l'avocate René Jardin, qui tombe directement sous le charme de cet accusé. Dans le cahier rouge de Eugène Weidmann, qu'elle publie 30 ans plus tard, elle raconte sa première rencontre avec lui. J'étais jeune. Il était beau. D'une élégance naturelle, plein d'allure. Il me faisait une forte impression. C'était un gentleman. Pas du tout l'assassin ordinaire que je m'attendais à trouver. En perquisitionnant la villa de la Woolsey, rebaptisée par la presse la Maison de l'Horreur, les policiers découvrent des vêtements féminins et des photos. Très vite, ils font le rapprochement avec une jeune femme portée disparue depuis 2 mois, Janine Kerr. Eugène Weidmann avoue assez rapidement, oui, il avait oublié de mentionner ce meurtre dont il finit par donner tous les détails. Ou comment, avec son complice Roger Million, il a tendu un piège à Janine Keller. Nous avions promis à cette femme de lui procurer une place de gouvernante à Vichy. Nous lui avions demandé de venir à Paris et nous avions pris rendez-vous pour le lendemain, le 3 octobre, à 10h du matin. Il avait été convenu que nous la prendrions à l'hôtel. Madame Keller fut exacte au rendez-vous. Elle avait déjà descendu ses bagages sur le trottoir. Elle nous aida à les installer dans l'automobile du chauffeur Koufi, une de mes précédentes victimes. Nous partîmes donc dans la direction de Vichy. Mais sur la route de Fontainebleau, non loin de Barbizon, nous nous sommes consultés à voix basse pour savoir si nous devrions seulement voler Madame Keller ou la tuer. Tuons-la, ce sera plus vite fait. Tuons-la, ce sera plus vite fait. Signé Weidmann à son complice Roger Million. Les deux hommes proposent à Janine Keller de s'arrêter pour faire une petite promenade en forêt. Elle accepte et descend de la voiture sans se méfier. Une fois dans les bois, Weidmann sort son revolver et tue la jeune femme. Avec sa méthode habituelle, une balle à bout portant dans la nuque. Les deux hommes reviennent à leur voiture pour chercher des pelles car il faut maintenant cacher le corps. Une fois le cadavre enfoui, ils se précipitent vers la voiture, emportant le sac à main et les bagages de leur victime. Arrivés à la Woolsey, ils découvrent leur butin. Et encore une fois, il est bien faible. 100 francs, oui, 100 francs, en pièces de 50 centimes, et un mandat de 1300 francs qui sera encaissé par Colette Tricot, une troisième complice. Eugène Weidmann, Roger Million, Colette Tricot et un quatrième complice sont tous arrêtés et incarcérés. Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de déterminer les parts de responsabilité de chacun dans cette association criminelle. En prison, Eugène Weidmann, lui, reçoit de nombreuses lettres de femmes tombées sous son charme. On parle même de demandes en mariage. Et tout le monde n'attend qu'une chose, son procès. Il a plutôt la gueule gentille. Il se laisse aimer tout comme les filles. Puis il vous regarde en rigolant. Alors bien sûr, c'est désarmant. Il vous donne rendez-vous un jour. Si venait, ça serait trop facile. On attend comme une imbécile. Il est vraiment fait pour l'amour. C'est heureux. regarder, j'ai envie de chanter, courir dans les champs avec le printemps, de chanter pour moi, de crier ma voix. Dès que je l'aperçois, il me regarde comme ça, puis il me dit souvent, viens, on va s'aimer. J'ose plus respirer. Dernière aventure, oh mon Dieu, pourvu qu'elle dure. Si je devais plus le revoir un jour, je serais dégoûtée de l'amour. Il attend pas mon tour de lui, qui rôde autour de ses épaules. Alors je suis là, je m'accroche à lui. Il y a vraiment lui qui trouve ça drôle. Regardez, j'ai envie de chanter, courir dans les champs avec le printemps, de chanter pour moi, de crier ma voix. Dès que je l'aperçois, il me regarde comme ça, puis il me dit souvent, viens, on va t'aimer. J'ose plus respirer, parce que c'est bon. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Retrouvons notre homme, Eugène Weinmann. Il n'est qu'un assassin de la pire espèce, qui s'en prend à des gens sans défense pour des sommes minables. Quelqu'un qui tue comme vous et moi allons faire nos courses. C'est la banalité du mal. Et pourtant, Weinmann fascine, jusqu'à l'écrivain Jean Genet, dont les premiers mots de son roman Notre-Dame des Fleurs, écrit en 1942 à la prison de Fresnes, disent ceci. Weinmann vous apparut dans une édition de 5 heures, la tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuse et encore aviateur blessé. Tombé dans les seigles, un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame des Fleurs. Son beau visage, multiplié par les machines, s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus, dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son image éclataient d'aurore ses crimes. Meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3 et jusqu'à 6 disaient sa gloire secrète et préparaient sa gloire future. Mars 1939. En Europe, Barcelone, la Républicaine, tombe entre les mains des franquistes. Et Prague voit les troupes hitlériennes déferler dans ses rues. Au même moment, à Versailles, on s'apprête à juger un assassin allemand. Mais en réalité, c'est une vedette qui va comparaître aux assises, comme l'explique l'historien Nicolas Picard au micro de France Culture. Les lieux du crime ont été très vite intégrés à des circuits touristiques, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on se déplaçait spécialement pour aller voir la Voulzy, qui était la maison de Weinmann. Donc c'est une vedette qu'on va juger. Il y a en 1939 un ouvrage qui paraît, qui s'intitule « L'enclitophilie ». L'enclitophilie, c'est la perversion sexuelle qui consiste à aimer les criminels. Et on constate au procès de Weinmann qu'il y a beaucoup d'enclitophiles dans le public féminin. Geo London, qui est le chroniqueur qui va, un des chroniqueurs qui va couvrir ce procès, parle des Weinmann Girls, qui se déplacent exprès pour voir le beau criminel, le beau Eugène Weinmann. L'enclitophilie. Eh bien, on aura appris quelque chose. Mais ces Weinmann Girls, dont parle l'historien Nicolas Picard, ne sont pas les seuls à se déplacer pour voir l'assassin allemand. Messieurs, la cour. Garde, faites entrer les accusés. 11 mars 1939, palais de justice de Versailles. 18 ans après celui de Landru, c'est un procès exceptionnel qui s'ouvre. Quand le jeune Allemand entre dans la salle d'audience, de très nombreux journalistes français et correspondants étrangers sont là pour couvrir l'événement. Parmi eux, le célèbre chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher, une star, qui se souvient de ce moment 50 ans plus tard. Ah oui, oui, ça me rappelle des choses, ça. C'est Weidmann. L'affaire Weidmann, c'était une terrible affaire, vous savez, terrible. Et ce Weidmann, qui était un assassin, il avait tué 5 ou 6 personnes, je me souviens plus très bien. Il était émouvant, croyez-vous, c'est drôle. On méprisait ce type qui était infâme, et en même temps, il était émouvant, parce qu'il avait une espèce de sincérité dans ses crimes, qui était quelque chose d'absolument bouleversant. Étonnante, cette espèce d'empathie pour le criminel. Mais Frédéric Potcher ne fait que traduire le sentiment qui traverse la salle d'audience. Une grande répulsion pour les crimes, mais une attirance pour le jeune homme. Sur les bancs des journalistes et chroniqueurs, on retrouve également Georges Simenon et Colette, envoyés par Pierre Lazareff pour écrire des articles dans Paris Soir. L'avocat de Weidmann, René Jardin, raconte sa rencontre avec la grande écrivaine lors d'une interruption d'audience. Descendue de son observatoire, Colette se précipite vers moi, plus féline que jamais. Avec son visage triangulaire, ses yeux allongés au col, sa bouche fine, son corps empâté, et ses pieds nus dans des sandales. Elle me dit véhémentement, « Du haut de mon perchoir, j'ai tout vu. Je n'ai pas perdu un battement de cils. Il pleurait et il souffrait. Dommage qu'il faille le guillotiner, c'est un beau gosse. » La sonnette interrompit nos confidences. Un beau gosse qualifié par les psychiatres de dégénéré supérieur. De fait, Weidmann n'est pas un gangster ni un tueur en série, à proprement parler. Il a tué pour de l'argent, ce qui n'est pas mieux, évidemment, mais son attitude au procès est tellement, comment dire, doucereuse. Oui, doucereuse. Que les gens ont du mal à croire qu'il y a derrière cet homme un assassin. Disons qu'il n'a pas la tête de l'emploi. Qu'à cela ne tienne, le 31 mars, il est condamné à la peine capitale, malgré la plaidoirie de ses avocats, dont maître Moreau Gafféry, l'un des plus grands pénalistes français. Colette écrira dans Paris Soir, à l'issue du verdict. Quoi ? Ce monstre qui a sauté la barrière, mis entre lui et nous un espace aussi incalculable que la fallacieuse étendue, répercuté par deux miroirs, en face l'un de l'autre, il était hier notre semblable ? Bien pis, il est encore aujourd'hui sur le banc de chaîne, tout paré des doux dehors humains, de l'humaine chaleur persuasive. Quoi ? Il dépendrait d'un moment effréné, d'une ivresse, d'une erreur, que nous nous précipitions vers une ressemblance avec lui plus profonde ? Cela fait trembler, et nous avons tremblé. Eugène Weidmann, lui, n'a pas tremblé à l'énoncé du verdict. Il sait depuis son arrestation qu'il n'échappera pas de toute façon à la guillotine. Son complice, Roger Million, condamné à mort, lui aussi en revanche se révolte, s'écriant « Je suis innocent ». Les deux hommes rejoignent leur cellule avec peut-être l'espoir d'une cassation ou d'une grâce. L'écrivain Georges Bernanos, en exil au Brésil, touché par le sort de Eugène Weidmann, adresse une lettre à son avocate René Jardin. C'est à vous, madame, que je remets le soin d'exprimer ou de taire à Eugène Weidmann ma pensée et celle de mes amis moines. Certes, je ne lui apporte pas grand-chose. Je voudrais simplement qu'il fût capable de comprendre que des religieux dans leur solitude font mieux que de le plaindre. Ils prennent fraternellement désormais une part de son épouvantable fardeau. Le 16 juin 1939, la grâce est accordée à Roger Million, mais pas à Eugène Weidmann, pour qui ce sera donc la guillotine. Dans tout Paris, le bruit court que l'exécution aura lieu le lendemain matin. Alors on se presse en direction de Versailles pour être présent. Sait-on jamais si la chose se joue à guichet fermé, car les exécutions, oui, ont toujours attiré la foule de tout temps, comme l'explique l'historien Jacques Delarue. Vous savez, les exécutions capitales ont toujours été des spectacles très courus. autant sous l'Ancien Régime avec les anciens modes d'exécution qu'avec la guillotine. Ça n'a rien changé. Et chaque exécution capitale donnait lieu à des scènes absolument scandaleuses, car ça avait lieu au petit jour, car on avait refoulé la guillotine dans le temps et dans l'espace, on l'avait éloignée du centre des villes, on avait avancé l'heure des exécutions, mais les gens se pressaient en foule. Et le fait que ça ait lieu à l'aube faisait que les gens passaient la nuit dehors en faire une noce plus ou moins crapuleuse. Et pour l'exposition de 1889, l'agence Cook a littéralement proposé aux touristes de passage de les amener à l'exécution, et ils ont affrété deux énormes voitures assez élevées pour que les gens qui étaient assis en haut puissent voir, puisque il fallait tout de même être monté sur quelque chose, sans ça la foule était tellement dense qu'ils n'auraient rien vu, et ils ont fait complet. À l'extérieur de la prison, l'échafaud est dressé. La bascule est montée, les boîtes remplies de sons qui vont recevoir la tête et le corps du guillotiné sont installés. Il est 3h du matin, les badauds, que dis-je, les spectateurs, car on sait très bien pourquoi ils sont là, sont déjà là, précisément. Cette femme a pénétré dans l'enceinte du bâtiment, l'avocate René Jardin. Elle se ferait un chemin pour parvenir à la cellule de Eugène Weinmann. Elle se penche sur lui, les yeux mouillés de larmes, et l'embrasse. L'un des derniers gestes de tendresse auxquels a droit le jeune condamné. Le procureur s'avance vers Eugène Weinmann et lui dit « Ayez du courage, le recours en grâce a été rejeté. » Autrement dit, l'heure est venue. L'aumônier le mène ensuite dans la chapelle pour une dernière messe. On lui coupe les cheveux, on échancre sa chemise et on attache ses bras et ses chevilles. Les deux aides du bourreau, un certain Jules-Henri Desfourneau, portent Eugène Weinmann jusqu'aux portes de la prison. Suite à un désaccord opposant le bourreau et le procureur entre heure légale et heure soleil, eh bien, il fait jour quand Weinmann apparaît devant la foule qui découvre alors un grand homme mince, livide, qui ne sait pas où poser les yeux. Parmi le public, Weinmann a peut-être aperçu un jeune Anglais de 17 ans, Christopher Lee, jeune homme devenu l'acteur mondialement connu, notamment pour ses rôles du comte Dracula, du comte Dooku dans Star Wars, ou encore de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Lee ne sait toujours pas pourquoi un ami de sa mère l'a emmené à Versailles en pleine nuit. Il raconte cet épisode marquant de sa vie, 60 ans plus tard, au micro de France Culture. Nous sommes allés à Versailles. Il y avait une foule d'hommes, de femmes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tout d'un coup, je n'oublierai jamais. Voilà. La machine. Je savais qu'est-ce que c'était. C'était la veuve rouge, la guillotine. Je dis, mon Dieu, je peux pas. Bon, je pars. Oh, tu peux pas, tu peux rester ici. Et à ce moment-là, alors, les portes s'ouvraient du prison. Il est sorti, chemise blanche, les mains ligotées, la chemise déchirée. Et puis, heureusement, j'ai pas vu. J'ai tourné la tête. Mais j'ai entendu la descente de la lame. Et puis, boum. Et puis, quand je regardais de nouveau, le panier est parti et ils étaient en train de démonter la machine. Mais quelle expérience! Parce qu'il ne criait pas, il ne disait rien du tout. C'était tellement vite. Après l'exécution de Eugène Weinmann, maître Moreau Giafferi déclare « Ses crimes sont ceux d'un monstre, sa mort est celle d'un saint. Il vivait depuis longtemps dans l'au-delà. » Cinq jours plus tard, Match, ancêtre de Paris Match, publie les photos de l'exécution, précisant dans le texte que les femmes sont allées plonger leurs mouchoirs dans le sang du jeune Allemand. L'historien Jacques Delarue revient sur cette anecdote qui ne serait en fait qu'une légende. On a raconté qu'il y a eu des scènes scandaleuses. Ça n'est pas vrai. On dit que des femmes se sont précipitées avec des mouchoirs pour les tremper dans le sang. Quand on regarde ces photos à la loupe, on s'aperçoit que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de monde. Et il n'y a pas une seule femme dans la foule, la petite foule de 200 à 300 personnes, qui est quand même massée là devant la prison, autour de la guillotine. Mais donc, on s'empare immédiatement de ces pseudo-incidents et on décide que les exécutions auront lieu à l'intérieur des prisons. Devant la polémique, le gouvernement d'Édouard Daladier publie alors un décret une semaine après l'exécution de Weinmann. La guillotine ne sera plus visible sur la place publique. On tuera désormais derrière les murs des prisons, loin du regard de la foule. Et ce sera comme ça encore 40 ans. Quatre décennies pendant lesquelles la justice française va tuer en catimini, expression d'une vraie honte, jusqu'à ce que le président Mitterrand abolisse la peine de mort et fasse entrer la France dans le club des nations civilisées. Des amiraux dans la rue des blancs manteaux, dans la rue des blancs manteaux, sont venus des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut, elle avait roulé son haut. La tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire d'Eugène Weidmann. Notre invité, Emmanuel Taïeb. Bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Professeur des universités en sciences politiques à l'IEP de Lyon, auteur de La guillotine au secret, le livre que je tiens entre mes mains, édité chez Belin. Alors, hormis le fait que ce soit la dernière exécution publique en France, qu'est-ce qui est exceptionnel dans cette exécution ou atypique? La personnalité du criminel, comme on vient de, comme vous venez de décrire, avec une affaire qui avait été très très suivie. Ce qui a été dit aussi, c'est-à-dire le petit conflit sur l'horaire de l'exécution, qui fait que on est au mois de juin et qu'en réalité on va exécuter au petit matin, mais donc il fait déjà jour. Oui. Et les photographes s'en donnent à cœur joie. On a même un film qui a été tourné depuis un toit un peu en hauteur qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Sur Internet, absolument. On le retrouve et donc on a énormément de photos. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des photos d'exécution. Il y avait toujours des photographes. Il y avait en revanche une interdiction de filmer. C'est pour ça que ce film est pris d'un petit peu loin, qui était rarement respecté. Et là, pour cette fois-ci, les photos vont être très réussies. L'image va être nette. C'est des appareils évidemment d'époque. Il y a des flashs au magnésium, etc. Mais enfin, on y arrive. Et on a des photos en gros plan. Donc on a l'impression d'y être dans cette exécution, d'être dans ce qu'on appelle le carré des privilégiés. Privilégiés paradoxaux. C'est terrible. C'est-à-dire ceux qui sont à 1 mètre, 1 mètre 30, alors qui demandent des coupes-files hein, pour y aller. On demande l'autorisation d'être au plus près. Et effectivement, on a d'excellentes photographies et le sentiment d'être tout près de la guillotine et de voir l'exécution de Weidmann vraiment. D'ailleurs, à ce propos, page 132 de votre livre, il y a la photo, et c'est une exécution. Alors, c'est l'exécution de Caserio à Lyon, c'est l'assassin du président Carnot, hein, Caserio. La photo est extraite du Monde illustré du 25 août 1894. Au premier plan, effectivement, on voit le carré des privilégiés, avec un regard direct sur la guillotine. Là, je vois les gens, ils sont à 2 mètres, hein, pas plus, 2 mètres. Ça, c'est les privilégiés. Oui, c'est ceux qui ont demandé hein, une espèce de coupe-file. De passe droit pour y arriver. C'est la tribune présidentielle, quoi, comme pour un spectacle. Ouais, hein. Le carré d'or. Voilà. Et puis au fond, avec des places pas chères, au fond, enfermé dans un cordon de troupes, la foule des spectateurs anonymes voit son regard, buté sur le fourgon de l'exécuteur placé à dessein dans son axe de vision. C'est-à-dire que les gens qui sont mal placés ont fait en sorte qu'ils soient vraiment mal placés. Ouais. Et puis les gens qui sont bien placés, bah, ils sont super bien passés, quoi. C'est une justice de classe. Oui, si j'ose dire. Ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que si on a des relations, on peut assister à l'exécution au plus près. Si on n'en a pas, il va falloir venir dans la foule anonyme. Et là, on va être maintenu au loin. Mais ça renvoie évidemment à tout le paradoxe et la honte que vous avez rappelé des autorités d'exécuter, qui fait que officiellement l'exécution est publique. En pratique, on essaye de la rendre le moins publique possible, et donc on va exécuter dans la nuit, sauf dans le cas de Weidmann. Et puis on va avoir de la police, on va avoir des cordons, des barrières, et on va repousser la foule au loin, suffisamment loin pour qu'elle voit assez mal. On va mettre effectivement soit un fourgon de police, soit le fourgon de l'exécuteur lui-même, puisqu'il transporte, hein, c'est une guillotine portative. On va la mettre de manière à ce qu'elle obture l'angle de vision. Et à la fin, on voit plus grand-chose, parce qu'il faut aussi se souvenir qu'en 1870, on a supprimé l'échafaud, c'est-à-dire les quelques marches qui montaient à l'échafaud, à l'estrade, qui permettaient de voir la guillotine là, de loin. Là, c'est sur le même plan. Sur le même plan. Donc la guillotine est au ras du sol. Et donc si on est un petit peu loin, on voit plus grand-chose. Et pour peu qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'on ne soit pas venu avec un escabeau, qu'on n'ait pas loué un balcon ou une fenêtre qui donne sur la guillotine, on ne verra pas grand-chose, on verra la foule, on entendra peut-être le bruit, on saura qu'on a assisté à une exécution, mais on ne l'aura pas vu. Alors il est clair que toute exécution était un rituel, hein. On voit toujours, toujours le même rituel, on coupe le col de la chemise, la dernière cigarette, le dernier verre d'alcool. Et vous, vous parlez, votre titre du chapitre 4 est le suivant, la crise liturgique du rituel exécutionnaire. Que voulez-vous dire ? Ah, ça jargonne un peu, mais c'est l'idée de dire que... Ah, c'est une jolie phrase, hein. Ça signe bien au niveau des mots. Progressivement, c'est une cérémonie de pouvoir qui va perdre de sa superbe, qui va perdre de son efficacité, qui va commencer à poser beaucoup de problèmes. Et donc, on va aller vers une réduction de ce rituel. C'est-à-dire que ce qu'il y a, historiquement, il y avait une procession avec le prêtre qui tenait un crucifix, qui se mettait devant le condamné. Ce qui était sadique, hein, parce que j'imagine que l'angoisse du condamné, justement là, dans ces moments-là. C'était le temps de la sortie de prison est épouvantable. Et d'ailleurs, on commence à le chronométrer, on voit que ça peut durer entre le moment où on le réveille et le moment où il est exécuté, il peut s'écouler 10 minutes, 15 minutes. Et donc, on commence à trouver que ça ressemble au supplice du Moyen-Âge Révolution avait aboli. Donc on trouve ça absolument cruel, il faut que ça aille très très vite et que le couperet tombe très vite. Donc on commence à supprimer cette procession, il n'y a plus de promenade infamante du condamné, il est exécuté pile devant la prison, donc il a très très peu de temps à marcher. Et puis c'est aussi, il faut bien le voir, un rituel public qui commence à poser problème pour les autorités parce qu'il commence à y avoir des manifestations, y compris notamment pour les exécutions d'anarchistes à la fin des années 1890 et au début du 20e siècle, il y a des manifestations politiques, il y a des affrontements entre manifestants et policiers, entre anarchistes et policiers, avec parfois des blessés et des morts. Et donc, pour les autorités, ça devient un tout petit peu dangereux de faire se tenir en public une exécution. Ça devient une exécution, finalement, et un rituel contre-productif. Il est censé montrer la majesté de l'État, et il va se retourner en une possibilité pour les opposants à la République ou pour les opposants à la peine de mort de venir manifester contre le pouvoir. Donc ça devient vraiment un rituel très très très très dangereux. Et c'est un vrai motif de mobilisation sociale, sociétale, comme on dirait aujourd'hui, hein, cette affaire-là. Oui, l'extrême gauche en particulier se mobilise contre la peine de mort et contre les exécutions, en particulier quand ces exécutions sont des exécutions politiques, et en particulier contre les exécutions d'anarchistes. Là, effectivement, c'est-à-dire qu'à chaque exécution, ça relance et un combat politique et un combat contre une République jugée trop autoritaire, en tout cas à gauche, avec le crime, et ça relance évidemment le débat sur l'abolition de la peine de mort. Et en réalité, après chaque exécution, il y a une discussion pour savoir s'il faut maintenir les exécutions publiques et s'il faut maintenir les exécutions tout court. Alors, pour l'image de la France, quand même, que pratiquent nos voisins européens à l'époque ? Alors, je ne parle pas de l'Espagne, où j'imagine la peine de mort était évidemment en plus à la guerre. La peine de mort restera tout le temps sous Franco. Dans les autres pays, comment ça se passe ? C'était la pendaison en Angleterre. On avait supprimé la publicité de ces pendaisons en 1868. La peine de mort ne sera abolie qu'en 1964. En Allemagne, on exécutait par décapitation, je crois, aussi à la hache. Il me semble que la pendaison était pratiquée dans beaucoup de pays d'Europe. Mais le paradoxe, c'est que chaque pays était extrêmement attaché à son mode d'exécution, ce que moi j'ai appelé le chauvinisme du mode d'exécution, parce qu'on trouve que celui qu'on pratique est le plus indolore, le plus rapide et finalement le plus humain. Il semble que la guillotine réponde, évidemment, on est dans le conditionnel, le mieux à ça quand même. En tout cas, elle a été présentée comme docteur ça par son concepteur. Voilà, n'oublions pas que c'est un médecin, docteur Guillotin, aidé par un autre médecin, docteur Louis, qui ont proposé la guillotine, qui venait aussi s'opposer au fait que les supplices d'Ancien Régime étaient épouvantables et très très longs, donc il fallait une machine qui aille vite. Elle avait le défaut, pour nos voisins européens en tout cas, d'être jugée trop sanglante, parce qu'il y avait des jets de sang, alors que la pendaison avait le mérite, en tout cas, de garder l'intégrité du corps. Mais en tout cas, c'était une peine qui inquiétait beaucoup, parce qu'on se demandait si l'exécuté ne gardait pas pas ce qu'on appelait une arrière-conscience après avoir été décapité, parce que comme ça allait très vite, on se demandait si le cerveau continuait de fonctionner. Mmh. Il y a eu des expériences, on a essayé de refaire passer du sang dans la tête des condamnés, de l'électricité, des choses épouvantables, mais qui ont nourri les chroniques médicales et qui ont aussi nourri le folklore ou le romantisme un peu macabre autour de la guillotine. Vous connaissez Bastien Gens ? Dites-moi. Eh ben, Bastien Gens a réalisé, un documentariste, un court-métrage documentaire intitulé « Les carnets d'exécution ». On va en écouter un extrait, d'accord ? Avec plaisir. Je ne savais pas qui il était, lui, l'oncle Anatole, car je n'avais encore rien vu. Je n'ai pas pu me glisser dans la foule pressée de Valence, mais il s'était passé une chose extraordinaire. Il faisait suffisamment jour pour que des photographes saisissent l'événement. Mon oncle, debout, calme, face à la guillotine, dans sa redingote de bonne coupe, chapeau melon sur la tête, et en perspective l'homme blême, chemise échancrée, ligoté, maintenu, entraîné vers la mort. Et mon oncle, clairement reconnaissable, en milliers d'exemplaires dans tous les bureaux de tabac, car ses photos avaient été tirées en carte postale. Eh oui, ce texte est issu des carnets d'exécution d'André Obrecht. Vous connaissez ? Un exécuteur, un célèbre français. Voilà, exactement. Donc, il parle de carte postale. Qu'il y ait de la fascination, je ne sais pas. En tout cas, ça a été le cas. Mais jusque-là, des cartes postales. C'était comme ça que les images et les informations circulaient. C'est l'ancêtre des oui, réseaux sociaux. Oui. Donc, on faisait des cartes postales d'événements importants. C'était important, une exécution dans une ville, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Il y en a 9 ou 10 par an entre le 19e et le 20e siècle. Donc, il y a des villes qui n'accueillent pas de guillotine pendant très longtemps. Et brutalement, voilà que la guillotine apparaît. Donc, c'est un événement qui est d'ailleurs pas forcément très bien perçu, mais qui marque. Et donc, les photos, beaucoup de photos étaient tirées en cartes postales. On avait des cartes postales, photos du front, etc. Pas seulement des monuments. Et donc, on envoyait les cartes postales en disant « voilà ce qui s'est passé dans ma ville ». On pouvait aussi, si on était un soutien de la peine de mort, dire « eh bien voilà, justice est passée, justice est faite, l'autorité de l'État est rétablie ». Et puis, nous avons vu la figure de l'exécuteur, nous avons vu des Blairs, nous avons vu Desfourneaux, qui était une figure vraiment très marquante. Ouais. Et Desfourneaux, c'est celui de Weidmann, oui. Et des Blairs, c'était père et fils, c'était les grands bourreaux de l'époque. Et puis, parfois, on peut dire, on peut mettre une petite flèche sur la carte postale en disant « j'étais pas loin, j'étais ici, ou je suis juste derrière, donc j'ai vraiment... » J'étais contemporain de cette carte postale et j'étais contemporain de cet événement historique. Alors, Thomas Cook, l'agence de voyage, organisait même des tours spéciaux pour voir des exécutions. Oui, soit pour voir des exécutions, soit pour aller sur les emplacements de la guillotine, les divers emplacements que la guillotine avait pu connaître à Paris, parce qu'elle s'est promenée beaucoup. Et donc, ça faisait partie du tour opérateur, enfin de la visite de Paris. S'il y avait une exécution, effectivement, on allait la voir, mais il n'y en avait pas tant que ça. Sinon, on allait sur les traces de la guillotine et de ses lieux. Alors dans la liturgie du prétoire judiciaire, il y a les ténors du barreau. Et puis il y a les stars des bourreaux. Alors, il y avait des stars chez les bourreaux. Beaucoup de bourreaux sont des stars. Il y a les Samson sous la Révolution qui sont de voilà. D'abord, il faut rappeler aux auditeurs que c'est des familles, c'est des dynasties. Ils s'épousent les enfants de la fille du bourreau épouse l'adjoint et qui va lui succéder. Donc c'est effectivement des dynasties. C'est des dynasties un peu à la fois sacrées et parias qui ont le droit de prélever un impôt, qui ont le droit de prélever un pain qu'on leur réserve à la boulangerie et qu'on retourne. Et donc il y a encore des familles très superstitieuses qui s'inquiètent quand le pain s'est tournée qui disent c'est le pain du bourreau. Et alors sous la Troisième République, donc voilà, presque à l'époque de Weidmann, c'est les Deblair, hein, Louis oui, Deblair et Anatole Deblair qui vont officier père et fils pendant pratiquement 40 ans, et voire 50 ans même, et qui vont être très très très connus. C'est-à-dire que Deblair devient le nom commun du bourreau, parce que entre père et fils, ils vont procéder à des centaines d'exécutions. Donc ça devient aussi une figure assez folklorique. Mais ils ont une bonne image ? Ils ont une image un peu compliquée, c'est-à-dire que ça manque un peu de solennité, ce nouveau bourreau. C'est plus le bourreau masqué du Moyen-Âge, donc on a l'impression que c'est un petit bourgeois de province, un clerc de notaire. Donc ça n'envoie plus la sacralité de la cérémonie, ouais, ou la puissance de la cérémonie. On a l'impression que c'est un acte administratif qui est exécuté par des petits artisans. Des ronds de cuir. Des ronds de cuir. Donc du coup, évidemment, ça perd toute sa puissance et ça perd toute sa solennité. Donc il y a des critiques, hein, qui sont adressées au bourreau, mais c'est c'est une figure qui continue de fasciner. Ils étaient bien payés, auxiliaires de justice, bien payés. Le bourreau, l'exécuteur lui-même, parce que son vrai titre, c'est exécuteur des hautes œuvres, est vraiment plutôt bien payé. Il avait une automobile, des blaires. Les adjoints sont assez mal payés. Ils sont obligés d'avoir un deuxième métier. Les témoignages sur eux sont assez épouvantables. Ils sont alcooliques. Bon, c'est vraiment des gens de peu. Mais l'exécuteur lui-même gagnait plutôt bien sa vie, sachant qu'il avait assez peu d'actions. J'ose dire, à faire. Oui, heureusement d'ailleurs quelque part. Alors, la fameuse valeur d'exemple, l'exécution, la fameuse valeur d'exemple, elle était toujours mise en avant pour justifier ce qui reste quand même un acte terrible. On tue légalement avec la peine de mort. Alors justement, sur la valeur d'exemple, on va écouter une grande voix humaniste, Maître Henri Leclerc, qui se confie sur la valeur d'exemple, justement, de l'exécution dans le documentaire intitulé « Chronique d'une abolition » de la peine de mort, évidemment, diffusée sur France 3 en 1992. Koestler raconte que les gens qu'on exécutait à Londres et que l'on pendait à Londres devant des foules immenses parce qu'ils avaient été des pickpockets, dans cette foule, il y avait des centaines et des centaines de pickpockets qui volaient les porte-monnaies pendant qu'on exécutait ces gens. Voilà. Donc, des gens qui auraient pu se retrouver à cette place-là. Donc, on voit bien que la valeur d'exemple, c'était un faux argument. C'est ce qu'on disait, c'est un rite à faible rendement, c'est un rite qui s'épuise tout seul. Et effectivement, si on continue d'exécuter, ça veut dire que l'exemple n'a pas servi, ça veut dire que la dimension dissuasive n'a pas marché, ça n'a pas arrêté le bras des criminels, et que la dimension édifiante ou éducative n'a pas marché. Donc la peine de mort se contredit elle-même à partir du moment où elle se poursuit, puisque théoriquement elle devrait s'arrêter après la première exécution, c'est-à-dire une violence qui devrait mettre fin à définitivement à la violence de droit commun. En réalité, on ne fait que recourir à la peine de mort. Donc il y a évidemment une contradiction absolue dans le fait que cette violence n'arrête pas la violence, mais voire la reconduit, la donne en exemple plutôt, ou en modèle, et donc l'exemplarité en réalité est une pure construction, on va dire, idéologique ou administrative. J'ai encore une question, et dans l'énoncé, je trouve toutes ces questions-là surréalistes, parce qu'on parle de choses qui n'existent plus, on a tellement du mal à imaginer, nous, contemporains, du début du troisième millénaire, qu'on pu avoir l'idée, l'envie d'aller voir quelqu'un se faire trancher le cou, que les questions restent toujours surréalistes. D'où celle-là ? Est-ce qu'il y a eu des exécutions, qui se sont mal passées ? Oui, il y en a eu. Alors, avec la guillotine, un peu moins qu'avant, quand on exécutait à l'épée ou quand il y avait des supplices, mais il y a des exécutions qui ne sont pas très bien passées, soit parce que la lame était tombée, alors c'est très rare, la lame pouvait tomber un peu moins vite que d'habitude et donc malheureusement la tête ne se détachait pas complètement, ou bien le condamné bougeait dans la lunette et donc ça venait trancher le bas du crâne, le menton, tout ça était bizarre. Il y a pu avoir des cas où la tête tombe mal, le corps tombe mal dans le panier, voilà. Donc il y a effectivement, c'est très rare, mais c'était très marquant, parce qu'à ce moment-là on ne voit plus que le raté et on ne voit plus que la violence de l'exécution, c'est-à-dire que la cérémonie qui encadrait la violence explose, le charme entre guillemets est rompu et on ne voit plus que la violence nue et la violence crue. Alors je rappelle quand même qu'en termes de violence judiciaire, la France avait une méthode qui s'appelait le bagne. Et le bagne, ça porte bien son nom, c'était une horreur. C'était vraiment une horreur, c'était une autre peine de mort, une mort à petit feu en plus. Oui, la guillotine sèche, on envoyait les gens au bagne. D'ailleurs, on appelait ça, exactement. On appelait ça la guillotine sèche, ouais, effectivement. C'était épouvantable, c'était un mouroir. L'image de la France en a souffert, d'ailleurs jusqu'à temps que Albert Londres y mette son nez, et heureusement ça. Donc il y avait d'abord les exécutions publiques, il y avait les bagnes. Est-ce que tout ça finit par faire honte à la Troisième République ? En tout cas, la Troisième République voulait rompre avec l'image d'une cruauté, avec l'image de l'autoritarisme qui lui paraissait le propre des régimes qui venaient avant elle, c'est-à-dire le régime monarchique et l'Empire. Et donc, il fallait, ça a été tout le défi des gens de la Troisième République, inventer une pénalité plus douce, mais sans apparaître comme étant angélique ou laxiste avec le crime, et d'où l'importance en réalité de la question criminelle sous la Troisième République, et d'où l'importance de figures comme Weidmann. Merci infiniment Emmanuel Taïeb. Je rappelle le titre de votre livre, La guillotine au secret, les exécutions publiques en France de 1870 à 1939. C'est exactement l'âge de la Troisième République. Elle commence en 70, elle finit en 39. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la dernière exécution publique en France. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr.